بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ومن اتبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد اليوم سنخوض إن شاء الله في الحديث 29 qui est le 29e hadith et également exceptionnellement comme nous l'avons déjà fait je vais prendre aujourd'hui l'explication de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى car celle de Cheikh Yahya et dans le livre est complètement décalé. C'est assez dur de retrouver l'ordre authentique de ses paroles. Il y a beaucoup d'erreurs. Et il est également assez long. Donc au début, j'ai tenté de le raccourcir, mais malgré tout cela, il y avait trop de décalage dans les textes, dans les paroles. Donc de là, je me suis tourné vers celui de Cheikh Al-Fawzan, qui est plus limpide, qui est beaucoup plus clair, et qui lui, alhamdoulilah, une bonne édition. Donc de là, Inch'Allah, ce charf se basera sur celui de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc il dit, par rapport à ce hadith qui lui est un hadith qui est là pour démontrer les moyens principaux qui font rentrer au paradis et qui nous éloignent du feu, du châtiment d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc il dit, An Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, qala, kultu ya Rasulallah. أخبرني بعمل يدخلني الجنة أو يبعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم فإنه لا يسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقات تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار والصلاة الرجل في الجوف من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وزروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال يا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ برسالي فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثاكلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم أو على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Pour la traduction serait que selon Mu'adh ibn Jabal qu'il dit, je demandais ceci au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, fais-moi connaître une action qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera du feu. Il répondit, tu as certes interrogé sur ce qui est considérable, mais qui est facile pour qui, à qui Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu facile. Tu adores Allah et tu n'associes rien avec lui. Tu accomplis la salat, tu t'acquittes de la zakat. Tu jeûnes Ramadan et tu vas en pèlerinage à la demeure. Puis il ajouta, veux-tu que je t'indique les portes du bien ? Le jeûne est une protection et l'aumône éteint les mauvaises actions comme l'eau éteint le feu. Et il en est ainsi de la salat qu'aime le layl. Il y a salat au cœur de la nuit. Puis il récita, leurs flancs quittent leur lit. Jusqu'à ce qu'il dit, ce qu'il faisait. Ensuite, il dit, veux-tu que je te dise quelle est la chose principale et ce qui est la colonne et ce qui est le sommet, ce qui en est le sommet? Oui, au message d'Allah, répondis-je. Il dit, ce qui est le principal, c'est l'islam. Sa colonne est la salat et son sommet culminant, c'est le djihad. Puis il ajouta, veux-tu que je t'indique ce qui donne la maîtrise de tout cela? Oui, répondis-je, au message d'Allah. Il prit alors ma langue. Il dit, retiens celle-ci. Je dis, ô prophète d'Allah, est-ce qu'il nous est tenu compte de ce que l'on dit? Il répondit, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Les gens ne sont-ils pas jetés la face ou dilent-ils les narines en avant dans l'enfer pour ce qu'ont produit leur langue? Apporté par Tirmidhi qui a déclaré le hadith Hassan Sahih. Donc le shir commence en disant, Hafizallahu Ta'ala, Hadha hadithun azimun. يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصله صاحبه إلى الجنة ويبعده عن النار وهذا يحتاجه كل مسلم فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة والنجاة من النار. ولكن ما الطريق؟ لذلك سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف الطريق الجنة من طريق النار إلى من ناحية ومن ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا، وإنما أرسل هذا الرسول فأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. Donc il dit ce hadith est considérable et très grand, par lequel le Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous indique le chemin menant qui permet à celui qui l'emprunte de parvenir au paradis et de s'éloigner du feu. Et cela, tout musulman en a besoin. Tout musulman veut rentrer au paradis et veut être préservé du feu. Cependant, quelle est la voie à suivre? C'est pour cela que Mu'az ibn Jabal interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'est pas possible pour la personne de connaître cette voie, la voie qui mène au paradis et celle qui mène au feu, si ce n'est par la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé par nos raisons ou par nos réflexions ou par notre imagination de savoir comment vous connaître ces voies. C'est-à-dire comment savoir comment rentrer au paradis ou comment rentrer ou comment éviter de rentrer au feu. Cependant, il nous l'a fait connaître en envoyant ce messager sallallahu alayhi wa sallam et en descendant ce livre afin de nous démontrer quelle est la voie à suivre, la voie qui mène au paradis. Également, c'est la voie qui mène au feu. وفي هذا دليل على وجوب سؤال العلم عن أمور الدين ولأنها لا يسأل عنها غير العلماء لا يسأل عنها الطباء والمهندسون فأمر الدين ليس من مدارك العقول وإنما هو بالوحي المنزل. Donc il dit cela également une preuve qu'il est obligatoire de demander aux gens de science en ce qui touche à la religion. Il ne faut pas interroger autre que les savants. On n'interroge pas les médecins, ni les ingénieurs, et ainsi de suite. Tout ce qui touche à la religion, cela n'est pas non plus basé sur la raison en soi, mais seulement sur la révélation qui était descendue. Qawluhu, akhbirni bi'amalin yutriluni al-jannah yub'iduni 'an an-nar. Il dit, informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'éloignera du feu. هذا ما يريده كل مسلم فدل على أن الجنة لا يدخله إلا بعمل لا يدخل إلا بالعمل والنار أيضا ندخله بعمل فيعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار فلا أحد يستطيع فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل. Donc il dit cela ce que tout musulman désire. Donc il lui indiqua comment obtenir le paradis. Attends, il lui indiqua que le paradis ne s'obtient que par les œuvres. Et que le feu également s'obtient par les œuvres. Enfin, les œuvres de bien font rentrer au paradis. Les œuvres de mal font rentrer au feu. Et personne ne peut rentrer au paradis ou au feu sans œuvres. Et également tout cela par, nous précisons, par la rahma d'Allah, bien entendu. Car les œuvres ne sont que des causes. Mais la principale chose qui nous fait rentrer au paradis, c'est la rahma d'Allah. Naam. Qawluhu, laqadé sa'altani an azim. Azim an nabi. Donc tu m'as certes demandé une chose considérable. Azzam an nabi sallallahu alayhi wa sallam ahda al-mas'oul anhu min ajli an yunabbaha al-sami'in wal-kari'in ila izma hada al-amr hatta yahtammuh bi. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes lui-même amplifié la chose, la question, le sujet concerné par la question, afin de mettre en attention pour l'auditeur ou le lecteur, pour qu'il réalise l'importance de cette chose, afin qu'il la considère réellement. Qawluhu fa'innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi ma'a 'izami. Il est certes facile pour qui Allah l'a rendu facile. C'est une chose certes facile pour qui Allah l'a rendu facile. Donc il dit ma izamihi fa innahu yasirun ala man yassara Allahu alayhi lian al-din wa lillahi al-hamd dinun samhun wa la harajun fihi wa la mashaqqatun wa innama huwa dinun yatamashsha ma'a al-qudrati الإنسان من غير تكلف ومن غير تساهل وتضييع فهو طريق سهل ولكن على من يسر الله عليه. Donc il dit que certes c'est une chose facile pour qui Allah l'aura rendu facile. Car cette religion, et la langue de Allah, est une religion de tolérance, une religion sans gêne, une religion sans difficulté. Hein, que la religion évolue avec la personne, sans le surcharger, et sans non plus négligence ou laxisme, ou sans le perdre. C'est une voie qui est facile, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. أما من لم يسره الله عليه فهو صعب ولذلك الطاعة أشق ما يكون على النفوس كسالى وقال تعالى وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين فالصلاة على الخاشعين تكون كرة أعينهم وسهلة عليهم أما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم مع أنها ركعة لا تستغرق وقتا كثيرا أو طويلة ولكنها تشق عليهم. Donc il dit, cependant, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas facilité, alors elle sera dure. Cette religion sera dure. C'est pour ça que les actes d'adoration, hein, les gens pour qui elles sont le plus dures sont les fainéants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, elle est certes lourde, c'est-à-dire la salat, hormis dans le sens aux humbles, hein, aux gens humbles. Ou concentré. Donc la salat, pour les gens humbles et concentrés, est une jouissance, est un repos, et elle est facile pour eux. Quant aux fainéants, elle est extrêmement lourde, ils la voient grande, alors qu'elle n'est quelques rakat, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Hein, elles ne prennent pas beaucoup de temps, cependant, elles sont dures pour eux. وكذلك سائر الطاعات فإنفاق المال مثلا يصعب على من ليس عنده إيمان ولكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك فينفقونها على محبته طاعة لله سبحانه وتعالى وكذلك حالهم في سائر الأعمال. Et également pour toutes les autres actions d'adoration, comme par exemple le fait de dépenser de son argent, cela est difficile pour ceux qui n'ont pas de foi. Cependant les gens du bien et de la foi, cela leur est facile. Et également, car ils dépensent de leur argent par amour et par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est leur situation dans toutes les actions, toutes les œuvres, que ce soit la dépense de l'argent ou autre. Il dit donc, parmi les œuvres, que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien. هذا الأصل تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو التوحيد ولم يكتفي بقوله تعبد الله بل قال ولا تشرك به شيئا كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc il dit, tel est le fondement principal, que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien. Et cela est le tawhid, l'unicité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté seulement de dire tu adores Allah, mais il a rajouté également que tu ne lui associes rien, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens et adorer Allah et ne lui associer rien. لِيَنَا عِبَادَةَ لَا تَصِحُّ ولا تقبل الا مع الاخلاص فاذا دخل الشرك فانها تبطل ولا تنفع صاحبها ولا يقبله الله سبحانه وتعالى فالمشرك لا يقبل منه عمل وكل عمل خالطه الشرك فان الله لا يقبله. Donc il dit que l'adoration n'est ni accepté ni valide, si ce n'est avec la sincérité, l'ikhlas. Et que si jamais le shirk, hein, la pénètre, alors il l'annule, et ce ne sera d'aucune utilité à celui qui aura accompli cette action. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas. Car l'associateur, le mushrik, aucune œuvre ne lui a accepté. Toute œuvre qui a été mélangée au shirk, Allah ne l'accepte pas. Qulhu wa tuqimu salat. Donc sa parole est tu accomplis la salat. هذا هو ركن الثاني تقيم الصلاة لأن هي عمود الإسلام والمراد بالصلاة الصلوات الخمس فقال تقيمها ولم يقل تصلي لأن المطلوب إقامة الصلاة لا شكل الصلاة فإنما الصلاة القائمة مشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها هذه هي الصلاة القائمة أما الصلاة التي تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون الصلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, il s'agit là du deuxième pilier, car le premier, comme nous avons dit, ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a, ça c'est le tawhid. C'est le premier pilier. Du moins, l'attestation principale qui est celle de la shahada. Et là, c'est le deuxième pilier qui est celui de la salat. Donc il dit que tu as accompli la salat, qui elle est la colonne de l'islam. Et le sens voulu par la salat ici, c'est les salats, les cinq salats quotidiennes. Et il a dit, tu l'accomplis. Il n'a pas dit, tu fais la salat. Yani la mana ikama, le fait d'établir une chose. Car le fait ici d'établir la salat, et non pas simplement la salat dans son apparence. Vous voyez, car la salat qui elle est accomplie, c'est celle qui regroupe tous les piliers, toutes ses conditions, ses obligations, ses sunan, c'est-à-dire les actes recommandés. Telle est la salat qui est celle qui est accomplie. Quant à la salat qui, elle, est dénuée de ses piliers, de ses conditions, de ses obligations, celle-ci n'est pas une salat utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sert à rien. Qawluhu wa tuti az-zakah. Et tu t'acquittes de la zakat. Hadha wa rukn al-thalith. Wa huwa ita'u az-zakati allati faradaha Allah fi al-amwali wa hiya qarinatu as-salah. Wa hiya qarinatu as-salah. Fa hiya al-miqdaru المقدر الفقراء والمساكن والإنصاف والأنصاف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى فهي عبارة مالية وصلاة عبارة بدنية. Donc il dit, tel est le deuxième ou troisième pilier, qui est le fait de s'acquitter de la zakah. Celle que Allah subhanahu wa ta'ala a imposée sur les biens, et que celle-ci est liée à la salah. Et cette zakah, c'est une part prise des biens qui doit être remis aux pauvres. Hein, aux pauvres, ou parmi les huit catégories citées dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Tawbah, que nous avons déjà pris dans l'un des hadiths précédents. Et qu'elle est une adoration matérielle, hein, basée sur les biens. Alors que la salat, elle, c'est une adoration corporelle, basée sur les actes des membres et du corps. Qawluhu wa tasumu ramadan. Et tu jeûne le mois de Ramadan. Hada ruknu arabia. Tasumu Ramadan. Fawa shahrun. Fissanati. Wasumu shahrin Ramadana. Fardun. Wa ruknun min arkan islam. Donc il dit, ça c'est le quatrième pilier, que tu jeûnes le mois de Ramadan, qui est un mois, un seul mois dans l'année. Hein? Et le mois, le jeûne d'un seul mois, et ce jeûne est obligatoire et un pilier parmi les piliers de l'islam. Kuluhu wa tahujjul bayta. Et tu accomplis le pèlerinage. هذا هو ركن الخامس من أركان الإسلام ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها وآخرها الحج والحج بينته الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع. Donc il dit, voici le cinquième pilier parmi les piliers de l'islam que le prophète صلى الله عليه وسلم les a tous cités dans ce hadith, tous les piliers, et en dernier il a mis le hajj. Donc le hajj a été lui-même éclairci par d'autres ahadiths que celui-ci n'a lieu qu'une seule fois dans la vie, pour celui qui en est capable. أَمَّا الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ بِالْمَالِ فَهَذَا لَيْسَ عَلِيْهِ حَجٌّ قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. Donc il dit que quant à celui qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas les moyens, alors que le hajj n'est pas obligatoire. Comme dans la parole de Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, il dit, et Allah a imposé aux gens d'accomplir le hajj à la demeure pour qui en a la possibilité. Et ici, as-sabil, dans le verset, il est sabila, la possibilité, c'est az-zadu wa rahila, comme on peut dire, c'est les provisions et la monture, le moyen de transport. Az-zadu alladhi yuballighu والنفقه وراحلته يعني المركوب الذي يذهب به ويرده الى كل زمان بحسبه. Donc il dit, Z c'est la provision ou les moyens, les dépenses qui lui permettent de parvenir à accomplir ce hajj. وراحلة c'est le moyen de transport, hein, celui qui lui permet de pouvoir partir et de revenir, et que chacun en mesure de son époque. وَرَاحِلَتُ قَدْ تَكُونُ سَيَّرَةً وَقَدْ تَكُونُ طَيَّرَةً وَقَدْ تَكُونُ بَاخِرَةً كُلُّ زَمَانٍ بِحَسْبِهِ. Donc cela peut être par la voiture, cela peut être par l'avion, cela peut être par le train, même par le bateau, chacun en mesure de son époque. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج. وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن طيب. Il dit, celui qui trouve les moyens, alors طيب, celui qui ne trouve pas les moyens de transport, alors lui, le hajj n'est pas obligatoire. وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل. Et quant à celui qui a les moyens financiers mais qui n'a pas les moyens physiques, alors lui, il y a un détail sur la question. إذا كان الغارض والعذر يرجى زواله فإن ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه. Donc il dit, si mais la cause et l'excuse sont une chose que l'on espère qu'elle s'estompe par la suite, alors il patiente jusqu'à la fin de cette excuse, de cet empêchement, et par la suite il accomplit le hajj de lui-même. طيب دولي من. فإذا كان العذر المانع لا يزول كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه. Donc il dit, quant à si un cet empêchement est une cause incessante, une cause incurable, comme la vieillesse, hein, le fait qu'il est trop âgé, ou une maladie incurable qui l'empêche d'accomplir ce hajj, alors là, il prend quelqu'un qui le fasse à sa place. Il prend une personne, il confie à une personne de l'accomplir à sa place. وَمَا زَادَ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنَّهُ تَتَوَّعُ. Et tout ce qui est peu d'une fois, c'est-à-dire le hajj accompli plus d'une fois, cela est un acte juste d'obéissance recommandée, hein, fait de son plein gré, de son propre chef. Il n'est pas obligatoire sur lui. ثُمَّ قَالْ أَلَا دُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ. Il dit, ne t'obligerai pas les portes du bien. زِيَرَةً عَلَى أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لِيَنَّ الْدِينَ لَيْسَ مَحْصُورًا فِي أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. Donc il dit, là c'est tout ce qui est en supplément des piliers de l'islam. Car la religion, elle, n'est pas restreinte juste à ces piliers. لَكِنْ a dit, هِيَا الْأَسَاسَاتِ وَهُنَاكَ عَمَلٌ كَثِيرَةٌ تَتْبَعُ هَذِي الْأَرْكَانُ وَتُكَمِّلُهَا وَيَا جَمِيعٌ أَنْوَاعِ الْتَوَعَاتِ مِنْ فَرَائِدٍ وَنَوَافِلٍ وَوَجِبَاتٍ وَمُسْتَحَبَّاتٍ. Donc il dit, cependant ces piliers sont les fondations de la religion. Il y a également là d'autres œuvres, beaucoup d'œuvres qui suivent ces piliers pour les compléter, les parachever. Hein? Ils sont toutes les formes d'actes d'obéissance, parmi les obligations, les actes surrogatoires, les actes ainsi de suite. قُلُهُ أَصُومُ جُنَّةٌ. Sa parole, le jeûne est une protection. يَعْنِي سُتْرَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ النَّارِ وَالصَّوْمُ فَرِيضَةٌ فَرِيضَةٌ مِثْلُ صِيَامِ رَمَضَانَ وَنَافِلَةٌ مِثْلُ صِيَامِ الْأَيَّامِ الَّتِي جَاءَ الدَّلِيلُ بِصِيَامِهَا كَالسِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَعَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَا وَيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَهَذِهِ كُلُّهَا صَوْمُ نَافِلَةٍ. Donc il dit que le jeûne est une protection, une préservation, hein, ce qui préserve le serviteur, qui met une barrière entre le serviteur et le feu. Et que le jeûne peut être obligatoire, comme celui de Ramadan, ou surrogatoire, comme les trois jours, comme les jours, pardon, afouane, comme les jours qui ont un dalil à l'appui. Comme par exemple, les six jours de Shawwal, ou le fait de jeûner le lundi et le jeudi, ou les trois jours mensuels. Hein, et également, le dixième jour de Zilhidja. Hein, Yom Arafat, et également Yom de Ashura, ou un jour le précédent, ou un jour le suivant. Et tout cela sont des jeûnes surrogatoires. Kolu, wa sadaqatu tutfiu al khati'ata kama tutfiu al nar kama tutfiu al ma'a wa al nar. As-sadaqatu aidan ala qismayn. Donc il dit sa parole que l'aumône, la sadaqa, éteint, hein, efface les fautes, éteint les fautes, tout comme l'eau éteint le feu. وَصَدَقَتُوا أَيْدَنْ عَلَى قِسْمَيْنِ. Et que la sadaqa, elle, l'aumône, deux catégories. فَرِيدَ وَيَا الزَّكَى. La première, celle qui est imposée, qui est obligatoire, et c'est الزَّكَى. Et الزَّكَى, c'est zakat al-mal, ou même zakat al-fitr. Zakat de, sur les biens, et la zakat également du fitr, celle qui a lieu après le jeûne de Ramadan. La deuxième catégorie, tatawwu' wa hiya at-tabarru'at fi wujuh al-khayr. Et la deuxième, c'est que le serviteur fait de lui-même, qui sont les dons en vue de faire du bien. الصدقات تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء والنار. فإذا أردت تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. Donc il dit que l'aumône, la sadaka, hein, efface et éteint les fautes, tout comme l'eau éteint le feu. Donc si jamais tu souhaites par cela effacer tes fautes, alors tu n'as qu'à faire aumône sur les gens dans le besoin, sur les démunis. قوله وصلاه الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم من المضاجع حتى بلغ يعملون. Donc il dit sa parole sallallahu alayhi wa sallam que la salat de la et la salat de la personne de l'homme hein, au cœur de la nuit. Ensuite il récita la parole d'Allah dans le sens et ils arrachent leurs flancs de leur lit jusqu'à ce qu'ils atteignent et ils œuvrent et ils accomplissent. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة وأفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل يعني وسط الليل لأنه وقت النوم الناس ووقت هدوء ويكون بعد النوم راح وراحة فيكون الإنسان هادل القلب ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. Donc il dit parmi la salat il y a celle qui est imposée, celle qui est prescrite. Et parmi la salat, il y a celle qui est surrogatoire. Et la meilleure des salats surrogatoires, c'est celle de la personne hein, dans le cœur de la nuit, qiyam al-layl. C'est-à-dire au milieu de la nuit. Car c'est le temps où les gens dorment. C'est le temps de tranquillité, de sérénité. Et c'est le temps où, après avoir pris sa part de sommeil, hein, la personne se voit concentrée sur ce qu'elle fait, et se voit, comment dire, actif. Hein, se voit actif dans ce qu'il fait. Non pas comme celui, par exemple, qui n'a pas beaucoup dormi du tout, lui se verra peut-être pris par le sommeil lors de la salat, peu concentré hein, et pas motivé. Alors que celui qui a dormi comme il faut, qui aura pris sa part de sommeil, lui aura beaucoup plus d'activité et sera beaucoup plus concentré sur ce qu'il fait. Quand la ta'ala Inna nashi'ata layla hi ashaddu wat'an wa aqwa muqila. طيب وقال صلى الله عليه وسلم احب الصلاه الى الله صلاه داوود عليه السلام واحب الصيام الى الله صيام داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. Donc il dit la meilleure des salats auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle de Daoud alayhi salam, hein, et le meilleur des jeûnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le jeûne de Daoud, car il dormait la moitié de la nuit puis se levait ce tiers l'heure du tiers, puis dormait le dernier sixième. Et il jeûnait un jour sur deux. Voyez. Et ce hadith est rapporté à Muttafaqun alayhi selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu. Yakum suluthu alladhi ba'da an-nisf, hadha huwa jawfu al-layl, wa yusadifu an-nuzul al-ilahi fi akhir al-layl. ويجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي فيجمع بين الفضيلتين فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فيترتب القيام في هذا الوقت. Donc il dit qu'il se lève au tiers de la nuit, celui qui est après la moitié de la nuit, tel est le cœur de la nuit, جوف الليل. Et par cela, il sera coïncidera avec le temps de la descente divine, celle où Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde, qui est en fin de nuit. Et il peut également lier entre le cœur de la nuit et entre la dernière partie de la nuit, qui est l'heure de la descente divine. Il aura en cela lié entre deux grandes vertus, deux grands mérites. Donc celui qui veut obtenir ce grand bien, alors qu'il accomplisse sa salade de nuit en cet horaire. Bien qu'il ait également permis de le faire en début de nuit, en milieu de nuit et en fin de nuit. Chacun en mesure de ses capacités. Mais la fin de nuit, ce qui est de meilleur. Quand elle est soumatala, tatajafa junubuhum anemadaja. Hatta balara yarmaloun. يعني يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة، ويتركون ما يحبون ويقيمون لطاعة الله ويقومون لطاعة الله عز وجل. فكونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير. وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا لأن الناس نائمون لا يرونهم. Donc il dit par rapport au verset qu'ils se lèvent dans la nuit et qu'ils délaissent leurs lits, hein, les lits chauds et réchauffants en hiver, ainsi que les lits confortables. Ils délaissent ce qu'ils aiment afin de se lever pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'ils délaissent leurs lits, hein, et qu'ils se lèvent, cela est une preuve de la véracité dans leur foi, et de leur amour pour le bien. Également le fait qu'ils se lèvent dans le cœur de la nuit, cela est une œuvre qui démontre encore plus la sincérité. Cela, il en découle plus de sincérité, car c'est l'heure où les gens dorment et qu'il est à l'abri du regard des gens, donc cela sera une cause de sincérité plus grande dans son acte d'adoration. Donc il dit, ne t'informerai-je pas de la principale chose et de sa colonne et de son sommet culminant, يعني الذي يجمعه لك كل هذه الأمور, c'est-à-dire la chose qui réunit toutes ces choses-là. قال صلى الله عليه وسلم رسول أمر الإسلام. Donc la principalité de la chose, c'est l'islam. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا تعريفه بأركانه الخمسة التي مرت. Donc il dit l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid et de se laisser mener par son obéissance, son adoration. Et le désaveu des gens du shirk, plutôt le désaveu du shirk et de ces gens, telle est la définition de l'islam avec tous ces piliers, ces cinq piliers qui sont déjà passés. C'est-à-dire, le shirk vise par là une explication qu'il a donnée précédemment dans des hadiths. Ensuite, il dit, قال وعموده الصلاة. Et sa colonne, son pilier vecteur, c'est la salat. عمود الإسلام الصلاة مثل عمود الخيمة والبيت فالبيت والسقف لا يقوم إلا على عمود. وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام. كما لو أنك أحضرت الخيمة والأوتاد والأتناب ولم تغدي عمودا تقيم به الخيمة ولم تنتفع بها فلابد من اجتماع هذه الأمور وأهم شيء العمود فالصلاة هي عمود الإسلام. Donc il dit, le pilier, la colonne principale de l'islam, c'est la salat. Tout comme une tente ou une maison avec un toit, que cela ne pourrait tenir sans colonne. Donc également l'islam, hein, l'islam n'est bâti que sur la salat, ne se tient que sur la salat, c'est-à-dire comme acte des membres. Et que si jamais tu accomplissais tous les actes de membres en islam, hormis la salat, alors tu n'aurais aucun islam. Comme une personne, par exemple, qui est en train de monter une tente avec ses toiles et ce qui s'ensuit, sans pour autant lui mettre de colonne pour la tenir. Donc sa tente ne tiendra pas debout. Et cela ne sera d'aucune utilité. Donc il est obligé de lier et de joindre entre toutes ces choses. Et le plus important, c'est la salat, car elle est le pilier de l'islam, yani la colonne de l'islam. Qala wa zirwatu sanamihi al-jihad. Et son sommet culminant, c'est le jihad. Al-jihadu fi sabilillah azza wa jalla wa huwa qital al-kuffar li i'la kalimatillah wa izalati ash-shirk wal-kufr min al-ard, li'anna Allah khalaqa an-nasa li'ibadatihi. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. Donc il dit, le jihad, c'est-à-dire le jihad sur le sortie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de combattre les mécréants afin d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire cesser le shirk et la mécréance de la surface de la terre. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes afin de l'adorer, comme il dit dans le sens, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. فإذا عبدوا غير الله فإنها يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام فإلى عبادة الله. Et que si jamais ils adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors ils doivent être combattus jusqu'à ce que les gens reviennent à l'islam et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils estata'a al-muslimoun qita'alahum, et cela bien sûr si les muslims sont en mesure de le faire, car le jihad a des conditions et des piliers qui sont un autre sujet. طيب ولم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتنسح الفرصة. Donc ici ils ne peuvent pas alors qu'ils patientent jusqu'à ce que la possibilité vienne et que l'occasion se présente. فيقاتلونهم من أجل مصلحتهم. فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الكفار ليخرجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة وليس طمعا فيهم ولا رغبة في سفك دمائهم وأخذ أموالهم. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين لله. Donc il dit que les musulmans ne les combattent que pour leur intérêt à eux, leur propre intérêt à eux, c'est-à-dire aux kuffars, aux mécréants. C'est pour leur avantage, c'est pour leur bien. Car les musulmans ne combattent pas les kuffars en vue, ils ne combattent à fond qu'en vue de les sortir de leur mécréance, pour les guider vers la foi, pour les sortir des ténèbres vers la lumière, pour les sortir du feu vers le paradis. Et cela, nullement par convoitise de leur bien ou pour faire couler leur sang. Ce n'est pas par envie sanguinaire ou de tuerie. Voyez, le jihad contre les koufars, cela ayant but et d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est à l'avantage des koufars pour leur propre personne, bien qu'ils ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et combattez-les jusqu'à ce que la religion ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens. Wal jihadu zurwatu sanam al-islam. لأنه يدل على قوة الإسلام لأن السلام إنما يكون للبهيمة السليمة القوية فوجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام. Donc il dit que le jihad c'est le point culminant de l'islam et cela démontre la force de l'islam, hein? Car si le jihad est présent, cela est une chose qui démontre que l'islam est fort et que le fait de délaisser le jihad, cela démontre une faiblesse de l'islam. ثم قال alors, biruka bimalak zalika kullihi, kultu bala ya nabi Allah, fa'aza bilisanihi, qala kuf alayka hadha. Donc il dit, veux-tu que je t'indique ce qui donne la maîtrise de tout cela? Je dis, oui, message d'Allah. Alors il prit sa langue, c'est-à-dire Amwaz, et il dit, retiens celle-ci. Zi'amilta hadil a'mal farzal bima yubtiluha wa azma yakdiha ala al a'mal salihati al lisan. بالكلام الفاحش والغيبة والنميمة وشارة الزور وغير ذلك فهذا يبتلو الأعمال ويأتي عليها لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم حيث يقتصون يوم القيامة من حسناتك فتصبح مفلسا لأنهم يدخلونها بمظالمهم فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وحسناتك فأمسك لسانك عن كلام السيء فهو خطير جدا. Œuvrer de toutes ces œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui ont suivi, alors prends garde à ce qui peut les annuler. Et parmi les choses qui peuvent annuler le plus les œuvres pieuses, c'est les paroles perverses, ainsi que la médisance, ainsi que la calomnie, et ainsi que les faux témoignages. Car ces œuvres-là que tu auras accomplies seront prises yom al-qiyama par celui que tu auras lésé par tes paroles. Il récupérera le mal que tu auras causé, hein, dans tes bonnes actions. Donc celles-ci ne te seront d'aucune utilité du fait qu'elles seront prises sur toi. C'est-à-dire les gens sur qui tu auras parlé, hein, injustement. Donc de là, ils prendront leur part et leur vengeance le jour de la résurrection, dans tes hasanat. Et là, tu deviendras quoi? Perdant. Donc si jamais tu veux que tes œuvres perdurent, hein, alors tiens ta langue des mauvaises paroles, car cela est extrêmement dangereux. قوله فقلت يا نبي الله فإن المؤاخذون بما نتكلم به. Donc je dis, oh prophète d'Allah, est-ce que nous serons réprimandés pour ce que nous prononçons? فتعجب معاذ لأن الكلام سهل على الناس ألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤخذ به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يعني فقدتك أمك. Donc il dit que Mouaz fut surpris, car le fait de parler est une chose très facile pour les personnes. Hein, car leurs langues sont constamment en activité. La langue des gens sont constamment en activité. Donc est-ce que cela aura quelques conséquences sur les œuvres? Sur les œuvres de la personne par lesquelles il sera réprimandé. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait, ça qu'il a Mouaz. C'est-à-dire que ta mère te perde au Mouaz. Hadha asluhu du'aun lil hilak. Bil halak. Walakin jara ala lisan. ولكن جلاء على اللسان من غير قصد فقوله فكلتك أمك صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. Donc il dit que ta mère te perde au Mouadh, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, cela est une parole là ici qui à la base est une invocation pour que la personne se voit périr. Hein, pour que ça soit périr. Cependant, c'est aussi une parole qui est venue là de façon anodine qui court sur la langue des gens. C'est une parole qui, elle, n'a pas vraiment son sens, son sens apparent. C'est une parole qui peut être, comme ça dit, comme on dit au passage, sans pour autant que son sens apparent soit l'objectif de cette parole. Et ici, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ça pour Mouaz, il n'a pas voulu invoquer contre lui ou quoi que ce soit. C'est une parole qui est sortie en vue d'exclamation par rapport à l'étonnement de Mouaz. Non. طيب. Donc il dit وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلى حسائد أسنانهم. Donc il dit est-ce que les gens seront traînés au feu sur leur visage ou alors qu'il a dit par leur narine si ce n'est parce qu'on récoltait leur langue. فهذا في خطر اللسان خطر اللسان فخطر الكلام فقد يتكلم الإنسان بالشرك أو كفر ويخرج من الإسلام وقد يسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستأذي بالدين فيخرج من الإسلام وقد يقول كلمات الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا وقد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب وقد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة وكذلك يحلف ويكسر من الأيمان ومنها اليمين الغموس. Donc il dit que la langue contient de grands périls, de grands dangers, des paroles mauvaises. Car celui qui parle, par exemple, en parlant peut prononcer du shirk, ou du kufr, de la mécréance, et sortir pour cela de l'islam. Ou qui peut insulter la religion, ou qui peut insulter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou se moquer de la religion. Tout cela, le sort de la religion, le sort de l'islam. Hein, il peut qu'il prononce une parole de kufr, légère sur la langue. Cependant, elle lui effacera toutes ses œuvres et deviendra un mécréant. Ou il se peut qu'il parle en prononçant de la médisance ou de la calomnie, qui tous les deux sont parmi les grands péchés. Ou qu'il parle en prononçant un témoignage mensonger, hein, qui est une chose sévère en religion, une chose extrêmement dangereuse. Également qu'il ne cesse de jurer, hein, qu'il jure beaucoup, et parmi le fait de jurer, qu'il fasse le serment mensonger, c'est-à-dire qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant délibérément. Et ce serment lui et celui qui plonge, celui qui l'aura prononcé dans le feu. فَكُلُّ كَلَامٌ فَهَذَا فَإِذَا اسْتَمَلْتَ هَذَا اللِّسَانَ فِي كَلَامِ الطَّيِّبِ أَثْمَرَ عَلَيْكَ وَأَثْمَرَ لَكَ كَالتَسْبِيحِ وَتَهْلِيلِ وَتَكْبِيرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنْ اسْتَمَلْتَهُ فِي كَلَامِ السَّيِّئِ أَهْلَكَكَ وَأَوْقَعَكَ فِي النَّارِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي فَقَدْ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ وَيَصُومُ وَيَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَلَكِنَّهُ يَجْلِسُ وَيَخْتَابُ النَّاسَ ويتكلم فيهم فتذهب حسناته وإما أنه يبتلها بكلمات الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين وإما أنه لا يبتلها ولكن يأخذها المظلومون منه يوم القيامة بسبب حصائد اللسان. Il dit tout cela ne sont que des paroles. Et que si jamais tu emploies ta langue dans le bien, en prononçant des bonnes paroles comme le tasbih, le tahlil, le takbir, ou le fait de lire le Coran, ou le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela est à ton avantage. Et que si jamais tu l'utilises hein, en mal, elle te détruira. Elle te fera tomber dans le feu. Alors que toi, tu ne t'en rendras même pas compte. Il se peut que la personne fasse salat la nuit, qu'il aime l'ail, qu'il fasse des œuvres pieuses la journée. Cependant, il s'assoit et fait beaucoup de médisances, beaucoup de calomnies. Hein, il parle sur les gens. Alors de là, ses œuvres s'en iront. Soit en prononçant une parole de kouf, de mécréance, ou en se moquant de la religion, hein, cela annulera ses œuvres immédiatement. Ou alors ses œuvres seront prises, Yom El Qiyama, par celui qui l'aura lésé, pour ce que sa langue aura récolté. فلسان قاتل جدا فلهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم أن يحذر من كلام ولا تكلموا إلا بالحق ولا تكلموا إلا في كلام يحتاج إليه فيفيد لدينه ودنياه ويترك فضول الكلام الذي ليس له منه فائدة. Donc il dit que la langue est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti de son mal, a prévenu de son mal. Donc il incombe aux musulmans de prendre garde à la parole et de ne parler que de façon véridique. Hein, de ne parler que lorsqu'il y a un besoin et ce qui est profitable pour sa religion et pour sa dunya. Et qu'il délaisse ce qui n'est pas utile des paroles et ce qui n'est pas concerné, ce qui ne concerne pas et ce qui n'a aucune utilité. Donc il dit, donc que dire des paroles interdites illicites et des paroles perverses? Cela est encore pire et plus dangereux pour la personne. Kouluhu Raoutirimizi Fijamirihi. Donc de là s'achève l'explication du hadith, qui est l'explication de Sheikh Fawzan, Hamzallahu Ta'ala, dans ce hadith dans lequel il démontre les voies qui mènent, les voies qui permettent de rentrer au paradis, qui l'ont du feu. Et parmi elles, le fait d'accomplir les sept plaies de l'islam. Hein, également la salade de nuit, la sadaqa, et ainsi que le jeûne surrogatoire. Et le plus, la chose qui est à mettre en évidence, c'est qu'une fois que tu as compris toutes ces œuvres, le plus important n'est pas seulement de les avoir faites, mais surtout de les conserver. Et parmi les choses qui peuvent te les faire perdre, ta langue. Du fait qu'en parlant mal, en parlant justement sur les gens, que ces œuvres pourront être prises, je vais créer la main sur toi par celui que tu auras lésé. Ou également que ces œuvres peuvent se voir effacées complètement depuis même ce bas monde, du fait que tu auras prononcé du kufr, ou du shirk, ou de la moquerie envers la religion, sans même te rendre compte, et que cela aura annulé et abrogé toutes tes œuvres. Taïm. Fabien Delcord, Naktafi, Wunakul Subhanaka, Lauma, Wabi Hamdik, La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.